piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts. Ben voilà. Ça a des relents très actuels, hein. C'est un petit peu ce que propose la réflexion que propose Macron en ce moment. Absolument, absolument. Et puis, avec toujours cette même excuse, c'est pas du racisme, hein, non. Non, ben non, mais juste ces gens sont pas comme nous. Voilà. On les déteste pas, mais si on peut ne pas du tout rien faire. Enfin, ah, ça ouais. Des gens qui reconnaissent pas ce qu'ils sont, ça me rappelle un gars qui fait une émission sur Game of Thrones le lundi soir. On ne nommera personne. Voilà, bah, merci Marcus, c'était une très bonne idée. J'avais pas pensé, enfin, faut dire, j'ai pas pensé tout court, à vrai dire. Moi, je vais enchaîner avec Jérôme Malaval, qui est un guitariste qui fait du picking et qui a été un petit peu mis à la guitare de façon un peu contrainte et forcée par ses parents, voilà, ça le faisait un peu suer. Jusqu'au jour où il a entendu la guitare à Daddy. Je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un petit peu celui qui a popularisé le picking. Les plus de 30 ans connaissent. Voilà, les plus de 30 ans sauront de quoi nous parlons. Et finalement, de Daddy, ben, il a surtout découvert Chet Atkins, qui est quand même un des, ouais, le guitariste de picking au niveau mondial, quoi, le plus renommé. Et quand il a découvert Daddy, ben, il s'est dit qu'il allait s'y consacrer corps et âme, hein, au finger picking. Et puis ensuite, il a continué toute sa carrière. Donc je vais vous proposer d'écouter deux morceaux à la suite. Le premier s'appelle Charade et le deuxième Just Another Rag. Thank you. C'était bon. Hein. Alors ce deuxième morceau là, qui est aussi enlevé est vraiment fabuleux, et de Chet Atkins lui-même. Oui, c'est bien. Un petit Français alors. Ouais. Il a 51 ans. Il est né à Nîmes et il vit à Tahiti. Voilà. Ah. Il vit à Tahiti. Ouais. Non. Il est vraiment bon. Alors oui, il a découvert ça à l'âge de 15 ans. À travers Daddy au départ, et puis depuis Daddy, il a découvert Chet Atkins. Il a continué. Et il faisait de la guitare parce que maman l'avait inscrit à l'MJC, et puis qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose, et puis ça le gonflait bien. Et quand il a découvert le finger picking, il a découvert sa passion de toute sa vie. Voilà. Bien. Voilà. Donc Philippe a fini par arriver. Bienvenue Philippe sur les ondes de Radio Guémozo. J'arrive. Bonjour tout le monde. Il est moins malade que nous, mais... Oui, bonjour Sophie, bonjour Marcus, mais j'ai chopé hier quelque chose dans le train, je tousse depuis. Ah, les trains, c'est pas bien. Ça doit pas être bien, ouais. Les gens toussent et hop, plein de microbes partout. On partage joyeusement. Ouais. Moi je vous ai amené un petit peu, ça va être pas mal de folk, comme d'habitude, hein, pour faire plaisir à Marcus. Il est content, regardez. Non, je vais être très années 70, 80, un peu nostalgique. Ouais, alors, c'est un morceau de, en réalité, de Kate Wolf, qui est une songwriterice folkeuse des années 70-60, plutôt 60 que 70. c'est un morceau qui est interprété par Nancy Griffiths, qui mm-hmm. reprend des morceaux de, d'auteurs passés. Et voilà. C'est une compilation, enfin c'est pas une compilation, ça, l'album s'appelle Other Voice, il est sorti en 1990 je crois, hein, dans les années 90, je vous dirai ça plus tard, et le morceau s'appelle Across the Great Divide. I've been walking in my sleep, counting troubles instead of counting sheep. Where the years went, I can't say. I just turned around and they've gone away. And I've been sifting dusty books and faded paper to tell a story I used to know, and it was one that happened so long ago. And it's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the rivers change direction across the great divide. Now I heard the owl calling softly as the night was falling, with a question and I replied, but he's gone across the borderline. He's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the rivers change direction across the great divide. Is the one that comes between the edge of night and the break of day. It's when the darkness rolls away, and it's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside, where the rivers change direction across the great divide. And it's gone away yesterday. Now I find myself on the mountainside. It's where the rivers change direction across the great divide. Sympathique, hein, moi. Ouais. Enfin, moi je trouve personnellement, mais bon, après, ça, c'est très années 70. Hein. Puis une jolie voix. Oui, bah, Nancy Griffiths, oui, pas hein. N'importe qui quand même. Non, hein. Effectivement. Voilà. L'album est sorti en 92, ça ne nous rajeunit pas. Ah bah tu vois, moi j'en ai un là, il est sorti en 93. Donc voilà. Ouais, moi je vais enchaîner avec Tone Poems 3, une série que David Grisman a faite. Donc David Grisman, un très grand mandoliniste américain, et qui a sorti les Tone Poems, c'est des albums qu'il a fait avec des collègues en fait. Oui, oui, voilà. Et dans ces albums-là, il présente des vieux instruments en même temps. Donc il y a presque plus de place donnée à la description des instruments avec lesquels il joue qu'au morceau lui-même. Bon, là le morceau s'appelle... Bon, il joue dans le Tone Poems 3, il joue avec Michael Rich, qui est donc un grand joueur de dobro, et puis avec... Qui est décédé d'ailleurs. Qui est décédé en 2012, je crois. Non, plus tard que ça. Peu plus tard. Enfin bref, on ne va pas jouer sur les dates. 9 décembre 2012. Oh, bon. Déjà Ultimate. Oh là là là. Ouais. Déjà, ouais. Et puis Bob Brosman, qui joue de la guitare, et donc lui à la mandoline, et donc Michael Ridge au dobro. Et le morceau s'appelle Saint-Louis Blues, qui est un des tout premiers morceaux de blues qui a été composé, qui était très populaire à Hawaï. Voilà. Hawaï. Ouais, voilà, donc bon, je vous laisse déguster ce joli morceau. Slide. Ouais. Que du slide, tout cool. C'est très hawaïen, hein, oui, bizarrement. Bizarrement. Hawaiian Steel Guitar Music. Oui. oui, oui, oui. On continue avec un monsieur qui s'appelle Chris Michael. C'est un album qu'on m'a remis un jour dans la poche. Voilà. Et bon, les orchestrations sont assez bien foutues. Ensuite, la voix du monsieur laisse un peu à désirer. Donc, oui, le premier nanar de la soirée. Voilà, c'est le seul nanar. Je voulais le placer, je l'ai placé. Le morceau s'appelle Dolly's Depot, le dépôt de Dolly. Alors, je ne sais pas si c'est un bar à vin, un bar à whisky. Enfin, c'est un dépôt. Bon. Hein. Country rock, hein, qui bon, ça c'est sympathique, mais voilà, il y a des petits trucs à revoir. Si je le revois, je lui dirai. Qu'est-ce qu'il en pense, Marcus ? Je ne lui pose même pas la question. Je connais déjà son avis. Je te dirais, j'ai déjà oublié. Ça me rappelle quand on allait à Craponne pour une excellente soirée bluegrass et puis qui commençait toujours ouais, par des orchestres, par un truc un peu country et qu'on en profitait pour aller chercher de la bière. Ah, c'est un truc pour line dancer. C'est un peu ça. Nos amis. C'est vraiment le rythme line dancer. Bon. Ah, moi, les line dancers, je le. Oui. Nos tu amis sais, line dancers tu sais qui écoutent l'émission, oui. C'est le cow-boy complètement bourré, là, le mec déguisé avec les molettes qui dépassent des bottes. Oui. Tu sais, ils ont tous des éperons, là. Oui, oui. Et que Loulet jetait d'un coup d'épaule au milieu du carré de line dance et qui écorchait tous les bas au passage. Et nous, on était contents. parce que c'est très militaire comme danse, donc ils continuaient à faire leur quadrille et leur machin et leur truc en regardant le type d'un air furibard, mais très très concentré sur leur mouvement saccadé. Et puis t'avais le type complètement bourré qui balotait au milieu de tout ça. Et ouais. Plus ça durait longtemps, plus on était contents. Oui, il y avait l'infirmerie qui était toute proche. Ah, on était, ouais, bah écoute, hein, on a le droit de s'amuser un peu. Oui. Voilà, bien sûr. Oui, oui. Bon, je n'en dirai pas plus parce que je suis en bout de limite de voix. Et donc, je vais juste vous dire que je vais vous passer un disque du groupe Zouko 103, qui est un groupe néerlandais qui fait de la musique brésilienne. Et que j'ai choisi un morceau brésilien qui s'appelle Nobar do Samba. Et voilà. c'est dense, hein, c'est dense. Ouais, ouais, ouais, c'est limite un peu électro, ah, si, c'est rigolo, c'est sympa, ça change. Ouais. On va repartir plus dans les années 70, je ne peux pas vous dater exactement, mais enfin bon, ça doit être début des années 70, avec Donald Byrd, un petit peu jazz, un petit peu funky, oh, des choses, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça s'écoute facilement. Un peu joyeux aussi. Mais ça s'écoute facilement, voilà. Yes. We'll be right back. Et voilà, yeah. Donald Byrd. Bien agréable. Mm. Ah ouais, ouais, c'est... C'est très éclectique ce soir. Oui, oui, hein? C'était très très très éclectique. Alors, tu nous emmènes vers quoi, toi? Eh ben, ça faisait longtemps que... En fait, souvent les albums, on les écoute en continu. Hein, ouais. Quand c'était les vinyles, on retournait l'album et on écoutait surtout la première plage et on prenait pas le temps d'écouter le reste. Le reste est terminé souvent en bruit de fond. Et là, j'ai réécouté morceau par morceau, j'ai pris le temps plusieurs fois, enfin, pendant cet été. Ah, c'est bon d'être traité. Tommy Dehou, Tommy, le fameux Tommy, le premier opéra rock. Non, Quadrophénia le premier. Quadrophénia avant. Quadrophénia le premier. Et j'ai réécouté, et en fait, chaque morceau indépendamment vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Et alors après, la souvent, difficulté les autres était sont de choisir. Dans le reste. Non, ça a été très très simple. Pinball Wizards, à cause de son introduction de guitare. Voilà. Mm-hmm. Pinball Wizards, de Tommy et où? Viens voir la pochette. Bon, je vais voir ça en 30. Mais on retombe toujours un peu sur le même problème avec les albums concept, c'est qu'on aimerait bien écouter la suite aussi quand on la connaît. Ah, ah oui, mais bon. Ouais, mais on a. ça prend du on temps. On n'a pas envie que ça s'arrête. C'est pouf. Ouais, c'est, voilà, c'est comme ça. Ouais, bon. Ouais. Ils font des arrêts un peu. Il faut arrêter de temps en temps pour continuer l'émission avec d'autres morceaux. Ouais, on aurait pu écouter un autre à la suite. Hein. Des fois, on fait ça aussi. Ouais. On aurait presque pu écouter la version Elton John. C'est autre chose. Je la préfère parce que c'est rare que je dise ça. J'ai hésité, mais bon, j'ai tellement écouté la version du film que j'ai tendance à me retourner vers cette version-là, tu vois, parce que j'ai celle du film dans les oreilles. Et tu connais celle d'Elton John, Saturday Night ils sont toujours d'accord pour se battre le samedi soir. Un morceau des Who, pareil, de Tommy, des Who. Elton John a fait une version qui est très bien. Pareil, qui vaut des points. Oh oui. C'est rare que je défende Elton John. Effectivement, mais bon. Bon, ben on va complètement changer de style avec Fish Tank dans leur album Ensemble. Fish Tank, c'est un groupe assez original qui s'est formé à Los Angeles et dont les membres sont de diverses nationalités. Alors ça va du français d'ailleurs, Philippe Martinez au violon, et Fabrice Martinez, pardon, Ursula Knudson qui a une voix fantastique. Je vous en ai déjà passé de ce groupe-là, mais j'aime bien y revenir de temps en temps. Il y a un Hongrois aussi dans la bande, là je crois que c'est celui qui est à la contrebasse. C'est un groupe découvert au Festival des Granges, festival de guitare. Là. Festival des Granges, oui. Ouais, t'as jamais été ? Si, plein de fois. Ça fait 3 ans que je fais passer des artistes, oui, 4 voilà. ans, 5 oui, ans que exact. Je fais passer des artistes c'est aux vrai, Granges. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'était le dernier cette année. Bon, ils disent le dernier pourquoi ? Le dernier Festival des Granges, parce qu'il y a de moins en moins de public, et puis voilà. C'est triste. Bah oui, non, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Bon, moi j'ai découvert quelques jolis groupes là-bas, dont notamment celui-ci. Et bon, je vous ai choisi un morceau qui s'appelle Extremely Large Congenial Romanian. Très joyeux, oui. Avec la voix de Ursula Knudsen, qui a une formation de chanteuse d'opéra au départ, et puis qui après joue avec sa voix, qui se confond avec la scie musicale dont elle joue également d'ailleurs. Elle joue aussi du violon. Enfin, il y a des gens comme ça qui savent faire des tas de trucs. Ouais. Voilà, c'était très très bon musicien. On repart un peu vers la country avec Willie Nelson. Willie Nelson qui a sorti cette année son 69e album. Ces derniers temps, il en sort un par an. Bon, à 82 ans, il se dit... Il se dépêche. Alors, c'est un peu un changement de ton par rapport à ses trois derniers albums, qui étaient un peu un triptyque à propos de la question de la mort, parce qu'on l'annonçait mort régulièrement, alors qu'il est toujours vivant et qu'il tourne toujours. Les trois derniers albums, il y en avait un qui s'appelait « Le problème de Dieu », l'autre c'était « L'enfant », « The Children », et le dernier c'était l'homme qui reste, le dernier qui reste. Quoi. Et dans ce dernier album d'ailleurs, il avait... « The last but not the least ». Il avait d'ailleurs consacré une chanson assez satirique sur Trump, puisque aux élections il avait défendu Bernie Sanders et Hillary Clinton. Et il disait à propos de ces élections que c'était le grand cirque et qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa vie, que c'était un vrai bazar. Et que comment voulait-on que les gens adhèrent à la politique quand on voyait les gens s'insulter à longueur de temps, voilà. Donc il avait écrit une chanson à propos de ça en disant que les gens ne s'inquiètent pas, ils redeviendraient fous aussi après. Avec humour. Donc c'est ce dernier album, il le consacre aux chevaux. Il défend il consacre ça aux chevaux, à son amour des chevaux, puisqu'il a une ferme où il cultive des chevaux, où il cultive de la marijuana puisque c'est légal en Californie. Et il élève des chevaux. Et il continue toujours de vivre dans son bus et de tourner. Il les nourrit à la marijuana et il obtient des pégases. À donner des concerts surprises un peu partout. le morceau que l'on va entendre s'appelle, j'ai oublié le titre, donc Marcus va nous le dire. Come on time. Et ben voilà, quelle équipe! Is my friend. The more I reject it, the more that it kicks in. Just enough to keep me on my toes. I say, come on time, I've beat you before. Come on time, what have you got for me this time? I'll take your words of wisdom and I'll try to make them right. Hey, it's just me and you again. Come on, time. Time, you're not fooling me. You're something I can't kill. You're flying like a mighty wind. You're never standing still. As you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. Come on time, come on time. It looks like you're winning the race. Time, you're not fooling me. You're something I can't kill. You're flying like mighty wind. You're never standing still. Time, as you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. come on tight. Come on tight. Looks like you're winning the race. Come on tight. Come on tight. Looks like you're winning the race. Sympathique petite chanson country à propos du temps. Du temps où il dit notamment que le temps ne le rendra pas fou. Et c'est le seul qui ne peut pas tuer, en réalité, le temps. Il ne peut pas le tuer, bizarrement. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, hein? C'est vrai qu'on dit toujours tuer le temps. Tuer non. Le temps, en fait, c'est le seul qui ne peut pas tuer. On n'empêche pas que d'avancer. Hein, et il pense que c'est celui qui gagnera la course par rapport à lui. Il y a des chances, hein. Par rapport à nous tous. Non, c'est un petit air joyeux, une jolie chanson. Ouais, ouais. Très jolie chanson, les paroles sont très jolies. Voilà, voilà. Alors, on enchaîne. Où on enchaîne, oui. Avec quelque chose d'assez différent, oui. On saute un peu du coq à l'âne, mais ça a du sens quand même, tout ça. C'est plutôt rigolo. Alors, moi, j'ai écouté une émission ce matin sur France Culture, la série documentaire, pour ne pas la nommer. J'écoute des fois comme ça des émissions en rediffusé. Et il y avait à la fin de l'émission un morceau qui m'a bien plu, donc j'ai recherché. Et il s'agit de Marina Baranova, qui se consacre plutôt au piano classique, et qui a fait ce joli petit morceau, là. Ça s'appelle « The Snow is Dancing ». Is Dancing. Donc cette jeune femme-là est née en 81, elle est ukrainienne, et elle se consacre plutôt à Debussy, enfin, etc., des pièces pour clavecin, pour ceci, pour cela. Mais voilà, bon, je vous propose ce joli petit bout, ça m'a bien plu. You can feel the heart you can steal everything. still we fly forever free. The sun will rise above the sky we long to see. We spread our wings into a dream, the heart is alive, and love will arrive for you and for me. C'est doux, hein? Ouais, hein. Ouais, c'est... Ouais. Découvert ça ce matin. Ouais, tiens, c'est imposant, bah, tiens. Voilà. On va en faire profiter les auditeurs, il n'y a pas de raison. C'est bien, c'est bien. Alors, elle s'appelle donc Marina Baranova. Marina Baranova. Ouais, née en 81. Une russe. Donc, encore ukrainienne, ouais. Ukrainienne. Ah, attention, pas confondre. Hein. Bon. Tu vas raviver la guerre. Oui, oui, oui, oui. Je ne téléphonerai pas au président ukrainien. Non, faut lui dire. À toi, Phil. Que voulais-je dire ? Oui, oui, moi je reste dans la vague country. J'avais peut-être un autre album à proposer que ça, mais tant pis, puisque c'est lancé. C'est Tom Petty. Tom Petty. Le morceau s'appelle Mary Jane Dance. Last Dance. Toujours last ce soir. Right. She grew up in an Indiana town, had a good looking mom who never was around, but she up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. Down again. la question posée à Tom Petty, est-ce que c'est une chanson consacrée à la drogue ? Tom Petty a répondu non, c'est une chanson consacrée à une fille de l'Indiana. La chanson à l'origine devait s'appeler Indiana Girl. Et il termine l'interview en disant « Mais vous pouvez penser ce que vous voulez à propos de cette chanson, c'est votre avis. » D'abord. Voilà. Il dit n'importe comment, c'est une chanson de départ. C'est une chanson d'amour et de départ. Voilà. Les artistes lancent des choses et après, le public après, en fait ce les interprétations qu'il en veut. Sont diverses. Ouais. Puis on n'est pas obligé Lucy in de... the Sky with Diamonds. Voilà, c'est ça. Hein? Exactement. Oui, Marcus ? Pas du tout, il a toujours nié. C'était soi-disant un dessin de sa fille. Oui, oui, oui. LSD, la série documentaire. Émission bien connue. Ouais, on fait toutes les interprétations qu'on veut. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Eh ben, moi, je vais revenir à David Grisman, sauf que là, il est avec son compère Jerry Garcia, qui est mort il y a fort longtemps, hein, en 95. Oui, il avait une petite cinquantaine d'années. Jerry Garcia, c'est un des plus grands guitaristes de tous les temps également. Ils sont nombreux, les plus grands guitaristes de tous les temps. Oui. Bon, c'est un instrument qui est beaucoup joué, mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont excellents. Il est aussi surtout connu pour être le leader de Grateful Dead, dont, voilà, un groupe qui s'inspire un peu du bluegrass, mais de façon très festive et très débridée. Et bon, là, ils ont pondu un joli petit disque qui est « Not for kids only hein, », c'est pas que pour les gosses. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ce soit que pour les gosses, d'abord. Et le morceau que j'ai choisi s'appelle « Teddy Bear's Picnic ». C'est tout mignon. To the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down to the woods today, you better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees, where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please, 'cause that's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them unawares, and see them picnic on their holiday. See them gaily gad about. They love to play and shout, they never have any cares. At 6 o'clock their mommies and daddies will take them home to bed, because they're tired little teddy bears. Thank you. you better not go alone. It's lovely down in the woods today, but safer to stay at home. For every bear that ever there was will gather there together, because today's the day the teddy bears have their picnic. Today's the day the teddy bears have their picnic. Comme quoi, on peut faire des chansons pour gosses et avoir d'excellents musiciens. Ouais, ouais, ouais, c'est donc là, David Grisman, qui est plutôt un habitué de la mandoline, joue du banjo là-dessus. Mais il y a aussi tout un tas d'invités, avec Rick Montgomery, la guitare rythmique, Jim Cowin à la basse, Peter Welker à la trompette, Jim Rottermel à la clarinette et Kevin Porter au trombone. Et puis bien sûr, Jerry Garcia à la guitare lead. Voilà. Alors, d'habitude, j'essaye un petit peu de suivre les morceaux qui me précèdent, forcément. Bah là, c'est pas le cas du tout. On va passer une petite chanson gentillette à quelque chose de moins drôle. Licence Fikil, autrement dit, permis de tuer. LKJ, Lyndon Kwesi Johnson. Envoyez du gros. Non, c'est très politisé, quoi. C'est très engagé comme parole. Mais la musique n'est pas violente du tout. Allons-y. Sometimes I think my co-worker crazy. The way Christine would have gone jokey-jokey. Then the next time now, I know nonsense dance. The way she wind down the place last Christmas dance. The way she love to talk about conspiracy. Me and Christine in the canteen a talk about the death of black people in a custody. How not a cat make me yow or a damn dog bark? How nobody high up in a society can offer explanation nor remedy? When Christine it up her brow like say a row, she a go row. Screw up her face like say a trace, she a go trace. Hear her now. You think I just MI5 and James Bond and police and soldier over North Island one? When it come to black people, Winston, some police in England got license for kill. Well, nothing Christine said surprise me still. But hear me now. What you mean, Christine? I who tell you that? I must be one idiot. You can't prove that. I who tell me if you go say that? Christine kissed her teeth, then she cut me with her eye and she said, you want proof? You can't have sit on my curb in bout him asphyxiation. And you can't have strike garden about her suffocation. You can't have Colin Roach if him really shoot himself. And you can't have Vincent Graham if he's him stab himself. But you can ask the commissioner about the license for kill. Ask Sir Paul Condon about the license for kill. You can't ask the Douglas them about the new style baton. And you can't ask Tony Hassan about him death by neglect. You can't ask Marlon Downs if him have any regret. And you can't ask El Gamal about the mystery I'm dead. But you can ask Dame Barbara about the license to kill. Ask the DPP about the license to kill. You can't ask Ibrahim about the CS gas attack. You can't ask Mrs. Jarrett how she get her heart attack. You can't ask Oliver Price about the grip round his neck. And you can't ask Steve Boyce about him dead by neglect. But you can ask the PCA about the license to kill. Ask the ACPO about the license to kill. If you ask Maggie Thatcher about the license to kill. And you can ask John Major about the license to kill. If you ask Michael Howard about the license to kill. And you can ask Jack Straw about the rule of law. If you ask Tony Blair if him is aware or care about the license for kill that plenty police feel them got. Sometimes I think my co-worker crazy. The way Christine would have gone jokey jokey. Then the next time now, I know nonsense stand. The way she wind down the place last Christmas dance. The way she love to talk about conspiracy. About the license fit kill, and you can ask John Major about the license fit kill. If you ask Michael Howard about the license fit kill, and you can ask Jack Straw about the rule of law. If you ask Tony Blair if him is aware or care about the license fit kill that plenty police feel them got. Et voilà, comme quoi on peut dénoncer plein de choses avec des zics très cool et une voix très cool d'ailleurs. Ouais, c'est limite de la psalmodie. Ouais. Et on va continuer avec Eric Bibb, qui dans son dernier album qui est sorti en 2018, qui s'appelle Global Griot, il a écrit une chanson qui s'appelle What's He Gonna Say Today, en réaction à l'élection et au comportement de Trump. Il s'est inspiré des paroles de l'écrivain nigérien décédé, Chinua Achebe, qui a écrit « Une démocratie solide et en état de fonctionner requiert une communauté éduquée et participative et une direction éduquée et moralement fondée. » Ben oui. Voilà. On va essayer de rappeler ça à quelques dirigeants. Hein, oui. Ça va partir. Bah oui. Je rappelle le titre. What's he gonna say today? Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president oppressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. Don't make you wanna holler. Don't make you wanna pray. People, don't it make you wonder what's he gonna say today? Sneaky stuff going on. I wonder will we wake up one day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy. Don't it make you wonder what's he gonna say today? Washington and Jefferson, Lincoln and Roosevelt too, must be spinning in their graves today, the way he's dissing the red, white and blue. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder what's he gonna say today? Ouais, Eric Bibba, oui. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'aime beaucoup sa voix, j'aime bien sa façon de jouer. Ah, il a une voix, il a. Il... Voilà, c'est un grand, c'est un artiste, hein. Oui, ouais, ouais. C'est un des meilleurs. Encore. Dans son genre. Il sera en tournée en octobre, il fait 3 dates seulement, je crois, surtout dans le sud-ouest, je crois qu'il fait Toulouse, je ne sais plus exactement. C'est loin. Oui, oui, oui, mais dans le sud-ouest, je dis. Tu vas essayer d'y aller? Oh, non, non, non, j'en reviens. J'en reviens, ça fait quand même... Puis avec les retards de train, j'ai mis 3 heures de plus au total, donc... Et j'ai perdu mon téléphone dans la voiture. Bon, bref, c'est des détails qui n'ont rien à voir. Alors, on va écouter quoi? Flip voyageur. On va écouter quoi? Bah, écoute, on va écouter Lolo Miss. Oh, j'ai Lolo envie Miss. De me remettre un petit coup de Lolo Miss derrière les esgourdes. Donc, leur deuxième CD qui est sorti en 2017, Lolo Miss, c'est un quartet de musique acoustique français. Dont la chanteuse Romane est originaire de Vanier. Ouais. Voilà. Et donc il y a aussi Elodie Mesmer à la harpe ou au violon, Stelios Lazarou aux flûtes et Louis Deslignon aux percussions. Donc c'est un groupe de gens très très jeunes, hein, qui n'ont pas atteint la trentaine encore. Ah, t'es sûr? Ils vieillissent au fur et à mesure des ans. Ouais, ouais, ouais, non, Romane, elle n'a pas 30 ans encore. Ouais. Et donc ils sont, bah ils jouent déjà depuis officiellement depuis 2013, ouais. Et là c'est de composition. Le deuxième CD, là je vais vous passer un morceau du deuxième de leur deuxième CD qui s'appelle Boucane. Et c'est un CD de leur propre composition. Alors c'est plus ou moins inspiré de musique des Balkans, mais Alors ils utilisent le bosnien, le rom, le roumain, l'allemand, le tamoul, le brésilien, le turc, enfin tout ce qu'on veut. Et là, le paradis, ce morceau, il est en tamil et puis en anglais. En gros, ça veut dire pas meurtri par les armes, pas brûlé par le feu, pas desséché par le vent, ni mouillé par l'eau. Tel est l'Atman, l'élément le plus profond, omnipotent et omniprésent. Bon, appréciez la musique. Faces, raging lust, the raven us, the deadly. Recognize these because they are your enemies. Smoke hides fire, dust hides the mirror. Couldn't be clearer. In every age, I come back to deliver the holy. Destroy the sin of the sinner, establish righteousness. And yes, he whose heart is devoted, whose senses amassed, that he finds rhyme and enlightened, he passes at once and back, peacefully preaching the prime we lack. Satan sur le C'est sympathique, hein, le Lemis. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Je suis complètement fan, moi. Alors là, je pense qu'il prépare un truc, c'est plus Roman avec Stelios. Mmh. Ils font à deux. Après, le groupe Lolomis lui-même, je ne sais pas ce qu'il devient, ce qu'ils veulent en faire. Enfin. Ouais. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Hein, c'est toi qui enchaînes, je crois. C'est moi qui enchaîne, oui. On enchaîne avec Anya Henkel et Tellico. Il pleut depuis 3-4 jours, là, 2-3 jours. Oui. Donc le morceau s'appelle C'est seulement de la pluie. It's just rain. On savait même plus ce que c'était. On avait oublié. Stage lights like the morning sun are blinding again. Oh, another show around the blow and sleeping in the van. No rest except for faith in redemption. It's just rain, baby, it's just rain. It's just the wild, wild wind at your windowpane. Another storm's come. Wash the sin out of the stain, oh babe, it's just rain. It started at the old swinging bridge and crossed red carpets in L.A. But the second half of life ain't the good one they say. Thank you. Voilà, voilà, bah, il pleut. Hein. Bon, c'est bien. Jolie voix. Oui, oui, toujours jolie voix. Et tu nous proposes quoi, là? Je vais rester dans la guitare, un peu guitare ce soir. Ah, hein. Oui. Avec du jazz manouche, avec Francis Alfred Moerman, qui a vécu de 1936 à 2010, et qui a découvert le jazz manouche grâce à un camp de manouche qui s'était tout simplement installé près de chez lui. Ce n'était pas lui son milieu d'origine. Mais il a bien aimé comment il jouait, et puis ça l'a bien plu. Ça l'a bien plu. Bon, il a quand même un peu côtoyé diverses personnes avec il a côtoyé un peu Grappelli, un peu Coleman, la famille Reinhardt, enfin excusez du peu quoi. Oui. Voilà, et puis aussi Titi Robin. Thierry Robin. Donc il n'est pas tout neuf, ce monsieur. Il n'est pas tout neuf. Alors il a fait un joli petit disque qui s'appelle Passion, dans lequel il reprend des morceaux de musique populaire française, authentique folklore contemporain, créé principalement par les gitans et les tziganes de France. Voilà, il s'est vraiment attaché à retrouver cette tradition-là. Mais par contre, il a aussi adjoint des morceaux qu'il a écrits lui-même. Et donc là, le morceau que vous allez écouter, qui s'appelle « Les nuits de Nador », c'est un morceau qu'il a écrit. C'est déjà fini. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est agréable. On va remettre une petite jazz manouche comme ça. C'est agréable. Ouais, ouais. on continue avec Nancy Griffith, qu'on a déjà passé en début d'émission. Alors, c'est un autre album qui s'appelle Winter Marquee, où pareil, elle reprend, elle interprète de ses chansons et d'autres. D'autres auteurs, bien entendu. C'est un enregistrement public d'une grosse tournée qu'elle a effectuée en 2002. Une tournée à travers le monde. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Last Train Home. Toujours Last. Ah, oui, toujours Last. Le dernier train. By the time I get to Phoenix, was the last song on your mind the day you left? Then you woke up in Nogales with tequila and your name across your chest. Now you stumble through the morning of the Dorter dusty tourist avenue, singing every day's a hurting kind and every day you live you're born to lose. Now you've missed the last train home, the whistle blew, now she's gone. West Texas dust beneath your music. Ah ouais, c'est très country. Hein. D'habitude, c'est pas forcément country, mais ce morceau est très country. Très, très country. Oui. Bon, alors, à ta demande, Phil, on revient à Francis Alfred de Moerman. Ouais, c'est bien. Et là, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Danse norvégienne et qui est en fait un morceau du compositeur Grieg et avec des arrangements faits par Django Reinhardt. Excusez du peu. Thank you. Eh ben voilà, très sympa tout ça. Django. Alors... Django qui veut dire je réveille. Oh. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh ben, un petit peu de jazz pour terminer. Ouais. Avec Michel Petrucciani qui reprend le célèbre So What, si je raconte pas de conneries, So What, c'est de Miles Davis. Voilà quoi, donc ça suffit. Oui, hein, y a pas besoin d'en dire plus. Enregistré en live à Tokyo en 97, voilà, yes. Et c'est parti. Petrucciani. Thank you. Ah bah voilà, tout passe. Et bah voilà. Incroyable, mais c'est vrai. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça m'a paru rapide. Oui, dans 15 jours, nous serons le... Je sais pas. On sera en octobre. On sera en octobre. Voilà. Ah oui, on sera en octobre. Ouais, oh. ouais. Donc on se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines. Puis, on sera là, jeudi 10. Mardi à 16h et samedi à minuit. Ouais, jeudi 10, on sera... Merci Marcus. Jeudi 10 octobre, on se retrouve sur Radio Guébozo 107 FM. J'espère que le streaming fonctionnera d'ici là, parce que moi, il y a des personnes qui voudraient bien m'écouter en direct et qui ne peuvent pas. Alors bon, ils peuvent écouter les émissions plus tard, mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Le direct, c'est mieux. Bah oui, mais le direct, quand on habite hors de la zone. Oui, quand on habite. Ça passe par Internet. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple. Ouais, à Paris ou dans le Jura, enfin. Voilà. Donc, c'est dommage. Bon, on va essayer d'avoir moins de microbes la prochaine fois pour parler qu'une voix moins caverneuse. On a 15 jours pour prendre de l'aspirine. Ouais, quelque chose comme ça. Et du miel, et tout ci, et tout ça. On vous souhaite tout du bon, braves auditeurs de RGM. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.